Et check, ça y est, j'ai tout mis dans la voiture, j'ai tout ce qu'il faut dans le coffre là, donc tu fais quoi là, t'es prêt ou quoi? Ouais, bon, j'arrive. Ouais, check, ton baptême, on va les momifier, ces enculés. Grand-père, grand-mère, je suis parti. Et vous deux? Merde. Vous m'avez l'air bien pressé. Revenez ici. Toi aussi, Augustin. C'est Speedy, putain, Speedy. Asseyez-vous. Qu'est-ce qu'il y a, grand-père? J'ai appris pour Loïc, et je sais ce que vous vivez est dur. Mais ne rentrez pas dans le cercle de la haine. Quoi que vous fassiez, ce qui est fait est fait. Quand j'avais votre âge, on ne se battait pas entre nous. Le racisme faisait qu'on était obligé d'être soudés. On se rassemblait autour de certaines valeurs. Conscient que l'union était notre seule force, les enfants. À la télé, nous avions toujours les mauvais rôles. Nous étions soit des voleurs, soit des cannibales, des sauvages, des esclaves ou encore des domestiques dans un monde de blancs. Eh oui! Heureusement, il y avait de grands hommes dont la télé ne parlait jamais. Comme Kwame Nkrumah, Lumumba, Malcolm X, Frantz Fanon et surtout Cheikh Anta Diop. Qui démontre scientifiquement la parenté culturelle entre l'Égypte ancienne et l'Afrique contemporaine. Alors que les sources officielles prétendent encore aujourd'hui que l'Afrique n'a rien apporté à l'humanité. Je suis d'accord, monsieur, mais dans le prince d'Égypte, il n'y a pas de Renoir là, dans le dessin animé. Et en plus, comment il s'appelle l'autre là? Qui fait oui, tout petit. Le temps les pharaons là. Qui ça? Yul Brynner, c'est pas un Renoir non plus. Un noir, je veux dire, monsieur. Bah ouais, il manipule l'histoire. On était les premiers mathématiciens, les premiers médecins. L'astronomie, tout ça, c'est nous, hein, grand-père. Eh oui, Augustin. C'est une vraie guerre. Speedy. Une guerre invisible où l'Occident utilise le savoir comme une arme. Pour vous aboutir au point que vous vous entretuiez jusqu'au dernier. Attention, grand-père. Non, t'as raison, mais tu vois, on peut pas se laisser faire, grand-père. On aimerait bien vivre en harmonie, mais même dans les soirées, il y a de la bagarre. Comment vous faisiez à votre époque? Ah oui, comment vous faisiez, grand-papa? Y'a pas de secret, petit. Là où il n'y a plus de valeur, de tradition, là où il n'y a plus de respect, d'identité, d'histoire, là où l'ignorance règne, la violence prend le pas. Nous, au moins, croyons en quelque chose, en la famille notamment, petit. Et on savait s'amuser sans que ça dégénère. Non, toi, grand-père. Qu'est-ce que tu crois que j'ai toujours été vieux? Demande à ta grand-mère. À l'époque, on m'appelait Cookie. Cookie. Et j'étais enfanté une véritable star du ghetto. Avec les pépites de chocolat. Je m'en rappelle quand j'arrivais sur les pistes arrête, de danse. Petit, ah, ça déménageait, petit. Ah, toutes les filles étaient folles. Ça criait, ça criait.